Pris sur le vif. Écoutez. Où est mon sac? Je ne le trouve plus. Ah, le voilà. Non, ce n'est pas le tien, c'est le mien. Où est Paul? Voilà le sien. Peut-être a-t-il le mien. Grosse récompense à qui m'apporte mon sac. Répétez. Où est mon sac? Je ne le trouve plus. Ah, le voilà. Non, ce n'est pas le tien, c'est le mien. Où est Paul? Voilà le sien. Peut-être a-t-il le mien. Grosse récompense à qui m'apporte mon sac. Écoutez. Je suis Monsieur Durand. Je viens chercher les réservations pour ma femme et moi. Elles sont prêtes. Je vous les donne tout de suite. Voilà. Mais ce n'est pas la mienne. Oh non, excusez-moi, ce n'est pas la vôtre. Rappelez-moi votre nom. Durand. Ah, j'ai trouvé. Voici la vôtre et voici la réservation de Madame Durand. Oui, c'est bien la sienne. Bonsoir, monsieur. Je vous souhaite un bon voyage. Répétez. Je suis Monsieur Durand. Je viens chercher les réservations pour ma femme et moi. Elles sont prêtes. Je vous les donne tout de suite. Voilà. Mais ce n'est pas la mienne. Oh non, excusez-moi, ce n'est pas la vôtre. Rappelez-moi votre nom. Durand. Ah, j'ai trouvé. Voici la vôtre et voici la réservation de Madame Durand. Oui, c'est bien la sienne. Bonsoir, monsieur. Je vous souhaite un bon voyage.